Chapitre 9e. Sur la route de Florence à Livourne, Scaramouche rencontra deux voyageurs avec lesquels il lia conversation pour égayer les ennuis de la route. En apprenant que ses deux compagnons, nommés Aaron et Merdacaillet, étaient des marchands juifs établis à Livourne, Tiberio conçut aussitôt le projet de se rendre et de séjourner dans cette ville sans bourse déliée jusqu'au moment de s'embarquer pour Naples. « Je suis portugais, » dit-il aux deux négociants. « Mon nom est Pedro Castillo. Et mon père, Don Juan Castillo, ne m'a transmis en fait de qualité que celle d'honnête homme qu'il possédait au plus haut degré. Mes parents habitaient Lisbonne, où ils vivaient ostensiblement en chrétiens, mais secrètement comme de véritables juifs qu'ils étaient. Aujourd'hui, je suis orphelin, et je me rends à Livourne dans le but de me déclarer juif. J'ai du reste, et j'en remercie le ciel, encore assez de bien pour vivre honorablement. » Cette petite histoire fut contée avec un tel accent de vérité que la pensée ne vint même pas aux marchands d'en suspecter le moindre détail. Ils encouragèrent vivement le prétendu Pedro Castillo à persévérer dans son dessein de se déclarer juif et lui donnèrent même le conseil de changer de nom. Scaramouche répondit que là-dessus, il s'en remettait entièrement à eux et qu'il regardait comme le plus heureux jour de sa vie celui où sa bonne étoile l'avait envoyé sur le chemin de deux Israélites si recommandables. Aaron et Merdacaillet passèrent en revue tous les noms de l'Ancien Testament. Ils s'arrêtèrent à celui de Benjamin pour lequel Scaramouche se dépouilla sans peine du pseudonyme de Pedro. Dans la joie d'avoir fait une si précieuse recrue, ils résolurent de défrayer Benjamin jusqu'à Livourne. Mais Benjamin savait trop son monde pour se rendre sans un combat de politesse et de civilité, encore ne le fit-il pas sans protester qu'il entendait bien compter avec eux à la fin du voyage. Aaron voulut pousser plus loin la générosité. Sous prétexte que n'étant point marié, il pouvait disposer d'une partie de sa maison, et il offrit de loger Benjamin pendant son séjour à Livourne. Cette offre répondait trop bien aux vœux de Scaramouche pour ne pas être acceptée. Cependant, il jugea convenable de demander au moins pour la forme quel prix ce logement lui coûterait par jour. Aaron, dont l'intention n'avait pas été d'abord de mettre Benjamin à contribution, sentit se réveiller à cette demande l'instinct de sa race, et sans hésitation, il fixa un prix assez élevé pour que, en toute autre circonstance, son esprit mercantile en eût été satisfait. Scaramouche, qui se voyait dans l'impossibilité même de marchander, ne put dissimuler une légère grimace, mais il se promit bien de ne pas laisser en cette affaire le dernier mot à son nouvel ami. Livourne, à l'époque où Tiberio Fiorelli y fit son entrée, était ce qu'elle est encore aujourd'hui, une ville de négoces et de trafic. On y remarquait surtout le ghetto, ce quartier des Juifs, dont la physionomie n'a point changé depuis 2 siècles et demi, et que Madame Figuier, après l'avoir visité récemment, dépeint avec une admirable vérité dans l'Italie d'après nature. Au ghetto de Livourne, les rues ne servent pas seulement de boutiques, mais d'ateliers, de cuisines, de basse-cour, de lavoirs et d'écuries. Dès le point du jour, les Juifs abandonnant leurs maisons obscures émigrent sur les trottoirs. C'est là que la mère peigne et débarbouille ses enfants, que la ménagère fait cuire le repas de la famille, et que la jeune fille lisse son opulente chevelure. C'est dans la rue même que le forgeron établit son enclume, que le cordonnier tire son haleine, que la fruitière entasse ses salades, que les vieilles femmes plument les volailles et que les enfants barbotent au milieu des canards. Les pigeons descendus des toits et les poules venues des faubourgs becquettent leur nourriture sur le bord du ruisseau. Des ânes, attachés le long des murs, mâchonnent quelques brins d'herbe sèche. Partout des chiffons, des morceaux de verre et des débris de feuilles s'amoncellent en amas informes, devant lesquels des vieillards accroupis cherchent et trouvent sans cesse de quoi augmenter leur ténébreux trésor. Les épluchures de fruits et de légumes jonchent le sol, le crin et la laine se pelotent en boules dans les angles, la paille croupit dans l'eau, les plumes des volatiles s'élèvent en lourds flocons, la boue est épaisse et l'air fétide. C'est un entassement inextricable de gens et d'objets. On voit des êtres contrefaits et hideux ramper dans la fange comme des couleuvres, et des filles belles comme les vierges de Murillo, pauvres filles nées sur un fumier, sourire aux passants en les regardant de leurs yeux veloutés. il serait impossible de passer en voiture au ghetto, non parce que les rues sont étroites, mais parce qu'elles sont si encombrées qu'il est déjà difficile d'y circuler à pied. Les façades des maisons ne sont pas moins étrangement mises à contribution que les rues. Elles servent de porte-manteaux. Sur des cordes tendues d'une fenêtre à l'autre sont accrochées toutes les nippes de la famille. Les ménagères font-elles la lessive chaque jour? Quoi qu'il en soit, les cordes sont éternellement couvertes de linge en train de sécher. Rien n'est plus désagréable à l'œil que ces hardes suspendues en plein air. On dirait que les maisons sont habillées de lambeaux. Le ghetto ressemble donc à une interminable friperie. Il est vrai que de temps en temps, on découvre au milieu de ces lambeaux quelques fragments d'architecture, ça et là, entre des chemises et un drap de lit, ou bien à travers une escouade de bas troués, apparaît un balcon aux fines arabesques. Ce travail exquis, qui remonte au Moyen-Âge, est une merveille, mais la rouille et la poussière y sont incrustées en couches si épaisses qu'on a de la peine à distinguer le détail des ciselures, et l'on ne comprend pas que ces élégants balcons soient encore debout, ainsi abandonnés aux morsures du temps. Tel était également, au XVIIe siècle, le quartier où Scaramouche accepta un logement chez le juif Aaron, en se promettant bien de ne point payer le prix convenu. Le matin, il allait sur le port s'informer si quelques bâtiments se préparaient à faire voile pour Naples. Le reste de son temps était assez désagréablement employé à écouter des rabbins, amis d'Aaron, qui le pressaient de venir à la synagogue. Enfin, une tartane se mit en partance. Scaramouche s'empressa d'y arrêter sa place. Mais s'il prétendait s'affranchir de l'obligation de payer son hôte, ce n'était pas en lui laissant pour nantissement sa balise. Grave sujet de méditation pour Tiberio, qui finit par s'en tirer à son honneur, je veux dire à l'honneur de son esprit inventif. Car le procédé dont il usa n'était rien moins qu'honorable, et s'il eût vécu de nos jours, il est probable qu'un tribunal de police correctionnel eût retardé de quelques mois son voyage à Naples. Il alla effrontément trouver l'inquisiteur. « Révérend père, lui dit-il, avec cet accent de vérité qu'il savait mettre dans tous ses rôles, j'ai pris logement chez un juif nommé Aaron. Cet usurier, maudit de Dieu, et son cousin Merdacaillé ont employé l'astuce, la fraude et les menaces pour me faire embrasser leur religion, à ce point que je n'ose retourner chez eux dans la crainte qu'ils ne m'enferment. Cependant, j'ai arrêté ma place dans une tartane qui va à Naples où je suis attendu. Voici les lettres du grand-duc qui prouveront à votre révérence que je ne suis pas homme à en imposer. » Ici, Scaramouche jugea à propos de tremper sa voix de quelques larmes. « Croiriez-vous, révérend père, que ces fripons, dont l'âme est gonflée d'iniquité, ont la cruauté de retenir mes effets et qu'ils poussent l'indélicatesse jusqu'à me refuser le remboursement de l'argent que j'ai dépensé pour les défrayer de Florence à Livourne ?» Attendri par les larmes du plaignant, influencé par les lettres du grand-duc, et séduit surtout par le plaisir de prendre deux juifs en faute, l'inquisiteur envoya sur le champ chercher Aaron et Merdacaillé. S'ils furent surpris, on peut le croire, mais le juge, prévenu, ne voulait voir dans cette surprise qu'un jeu concerté, et montrant jusqu'à l'évidence la mauvaise foi des accusés. Aussi la cause était-elle entendue avant que les deux marchands eussent commencé leur défense. Ils furent condamnés non seulement à restituer la valise, mais encore à rembourser 10 pistoles d'Espagne, montant des frais de leur voyage que Scaramouche prétendait avoir payés. Je n'étonnerai personne en disant que Merdacaillé et Aaron appelèrent toutes les foudres du ciel sur leur cher Benjamin et sur la tartane qui le portait à Naples. Mais le ciel, qui sans doute n'entendait point priver la comédie italienne de l'éminent artiste qui devait faire sa gloire, ne s'ouvrit point pour donner passage au plus petit carreau. Un vent favorable ne cessa d'enfler la voile triangulaire de la tartane, et Scaramouche n'eut d'autre mésaventure que de se voir exposé à mourir de faim. Il avait oublié d'embarquer des vivres.